Kilmer. Grave, c'est grave. Grave, c'est grave. Grave, c'est grave. C'est grave comment je pénètre, comment j'ai pu apparaître. Ils m'observent tous comme si j'étais un extraterrestre. Pas de doute, ma présence déstabilise. C'est le prix que ça coûte quand tes coups chromatisent. C'est grave, ceux qui l'ignoraient le savent. Je suis brûlant comme un volcan qui fait couler sa lave. Je viens tout cramer, tout ce temps à ramer. 2010e année, c'est maintenant ou jamais. Faut faire les bails, avoir les bons cobayes. HLM style, jamais en stand-by. On prend des risques, même s'ils veulent brouiller les pistes. Toujours en indé, on fait flipper les maisons 10. J'ai la dalle, comme si j'sortais de prison ferme. Sans perdre, moi tout niqué, y'a pas d'autre terme. C'est grave, qu'on se le dise franchement. Le pire reste à venir, ce n'est que le commencement. Les rap des thèses, pas des braves. Qui fait kiffer les braves. Ils parlent de la crise, mais on sait qui c'est qu'en brave. On sait qui s'engrave, continuera à s'engraver. Vu les conditions, ça continuera à s'aggraver. À se délabrer, autant tout marbrer. Vu combien on est, c'est impossible de nous recadrer. Rien qu'on entrave, ça s'aggrave. Grave, grave. C'est pour mes soldats dans la fave. Qui ne cesse de tenir le pavé. Compte plus les nuits passées en cellule de GAV. Toujours prêt à en paver. Braver les échelons. Aller au charbon. Quitte à braquer un fourgon. Faire des sous et éviter les soupçons. Dérapage dans la street. Dégradage de goudron. Comme tu vois ma voix pose au coup de tampon. Modifie pas ma vie. Moi je dis ce qui me correspond. La prod est sérieuse. Pire elle est furieuse. On oublie les radars et tu te crois dans Fast and Furious. En X6, Watt 6, sur la A6. Elle monte à monter le son. T'entends pas les sirènes de police, ils veulent te séquoins. T'arrêtes pas, va plus loin. Nique le permis à point, génération casse en moins. Je le répète et je le répéterai. J'suis le ghetto en format audio au millimètre. Les rap des thèses, pas des braves. Qui fait kiffer les braves. Ils parlent de la crise, mais on sait qui c'est qu'en brave. On sait qui s'engrave, continuera à s'engraver. Vu les conditions, ça continuera à s'aggraver. À se délabrer, autant tout marbrer. Vu combien on est, c'est impossible de nous recadrer. Rien qu'on entrave, ça s'aggrave. T'imagines pas ce qu'on a dans le crâne. Tout niquer c'est dans notre programme. Motivé malgré les drames. Une mise à l'épreuve, la vie un examen. T'imagines pas ce qu'on a dans le crâne. Tout niquer c'est dans notre programme. Motivé malgré les drames. Une mise à l'épreuve, la vie un examen. Grave, c'est grave. Grave, c'est grave. Grave, c'est grave. Grave, grave. C'est le rap des thèses, pas des braves. Qui fait kiffer les braves. Ils parlent de la crise, mais on sait qui c'est qu'en brave. On sait qui s'engrave, continuera à s'engraver. Vu les conditions, ça continuera à s'aggraver. À se délabrer, autant tout marbrer. Vu combien on est, c'est impossible de nous recadrer. Rien qu'on entrave, ça s'aggrave. Grave, grave, c'est grave. Le rap des thèses, pas des braves. Qui fait kiffer les braves. Parle de la crise, mais on sait qui c'est qu'en brave. On sait qui s'engrave, continuera à s'engraver. Vu les conditions, ça continuera à s'aggraver. À se délabrer, autant tout marbrer. Vu combien on est, c'est impossible de nous recadrer. Rien qu'on entrave, ça s'aggrave. Grave, grave, c'est grave.